بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Je rappelle que nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset 19 de la sourate 7 qui parle de l'histoire de Adam. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où que vous le voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre, car vous seriez au nombre des injustes. Voyez, Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, wa kula minha haythu shi'tuma, wa la taqraba hadhihi ash-shajara, fatakuna min adh-dhalimin. Fawaswasa lahuma ash-shaytanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Satan leur chuchota afin que leur apparaisse leur nudité qui était jusque-là cachée. وقال ما نهاكما عن ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Votre Seigneur, leur dit-il, ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne soyez pas deux anges ou que vous ne soyez pas immortels. Et il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فزلاهما بغرور. Ainsi les trompa-t-il tous deux en les illusionnant. فزلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Et leur Seigneur les appela: Ne vous ai-je pas prévenu que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Selon un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Votre père Adam était tel un palmier élancé. Il mesurait 60 coudées et avait une chevelure abondante. Quand il a commis le péché, sa nudité apparut à ses yeux. Comme il se mit à fuir, un arbre s'interposa et le retint prisonnier par le front. Et son Seigneur l'appela: Ô Adam, est-ce devant moi que tu fuis? Et Adam a répondu: Non, mon Seigneur, mais j'ai honte devant toi de ce que j'ai commis. Comparez le péché de Satan et celui de Adam. Satan a rejeté l'ordre de son Seigneur, s'est opposé à lui, a envié Adam, s'est enorgueilli et a continué impudemment dans son péché, en accusant Allah de l'avoir induit à l'erreur, en demandant un sursis, en refusant de se repentir, ce qui n'est pas le cas de Adam, paix sur lui. Adam ne pensait pas que quelqu'un puisse jurer et mentir. Quand Satan a juré, il a cru en ses paroles. Il a oublié l'ordre de son Seigneur. Comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 20, le verset 115, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avons fait une recommandation à Adam, mais il oublia et nous le trouvâmes irrésolu. Tout comme ses fils, tout comme sa descendance, il a oublié. Il oublie des fois les recommandations. Les hommes oublient des fois les recommandations d'Allah. Après avoir mangé de l'arbre interdit, après avoir mangé de cet arbre, du fruit de cet arbre qu'Allah a interdit, Allah les fit sortir du paradis. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Satan les fit glisser et les fit sortir de l'état dans lequel ils se trouvaient. Nous leur dîmes: descendez du paradis, ennemis les uns à l'égard des autres, vous aurez sur la terre établissement et jouissance jusqu'à un terme donné. Surat 2 et le verset 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Adam s'est repenti. comme le dit un hadith authentique, Adam s'est repenti, il a dit, ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main? Et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, répondit, si. Il lui dit, ô Seigneur, n'as-tu pas insufflé au moins de ton esprit? Il a répondu, si, Allah subhanahu wa ta'ala. Ô Seigneur, ne m'as-tu pas établi dans ton paradis? Si, a répondu Allah. Ô Seigneur, ta miséricorde n'a-t-elle pas précédé ta colère? Si, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Qu'en sera-t-il, a dit Adam, qu'en sera-t-il si je me repens et si j'agis de façon parfaitement pieuse? Me feras-tu revenir au paradis? Et Allah lui a répondu, oui. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Adam. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Quand Adam a commis ce péché, il s'est repenti, il s'est adressé directement à Allah sans intermédiaire, sans passer par un ange quelconque ou qui que ce soit. Il a dit, Allah, pardonne-moi. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dans la sourate 2, le verset 37, Allah, Adam, reçut alors des paroles de son Seigneur et Dieu accepta son repentir, car il accepte le repentir et il est le très miséricordieux. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Adam reçut alors des paroles de son Seigneur. Et Dieu accepta son repentir, car il accepte le repentir et il est le très miséricordieux. Innahu wa tawwabur rahim. Quelles sont ces paroles? Quelles sont ces paroles qu'a reçues Adam de son Seigneur? Ces paroles-là sont celles du verset 23 de la sourate 7. Ces paroles-là sont les suivantes. Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. C'est Allah qui lui a inspiré cette parole. Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Il dit, descendez, ennemis les uns envers les autres, vous aurez sur terre établissement et jouissance pour un certain temps. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Vous y vivez, dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous y mourrez, et puis l'on vous en fera sortir. Dans la sourate 20, le verset 121 et jusqu'au verset 126, ainsi Adam désobéit à son Seigneur, s'égara. Par la suite, son Seigneur l'a élu, a agréé son repentir et l'a guidé. وعصى آدم ربه فغوى ثم جباه ربه فتاب عليه وهدى. Allah, dans ce verset, il parle de ce péché-là, le péché d'avoir mangé de l'arbre interdit. Et là, il y a une chose, c'est que ce péché n'est pas attribué à Ève, la femme de Adam. Il est attribué à Adam. Dans tout le Coran, pas un seul verset ne dit que Ève, c'est Ève qui est l'origine du péché, contrairement aux enseignements de l'Église et de la mythologie grecque qui dit que c'est la femme qui est la source du mal, etc., etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est Adam qui a commis le péché. Ainsi, Adam désobéit à son Seigneur, s'égara. Par la suite, son Seigneur l'a élu, a agréé son repentir et l'a guidé. Adam a été guidé par la suite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, قَالَ اهْبِطَ مِنْهَا جَمِيعًا. Il y a autre chose, c'est que Allah, quand il a interdit de manger de l'arbre, il l'a interdit à Adam et Ève. C'est-à-dire que devant les ordres d'Allah, la femme et l'homme sont égaux. Et quand ils ont commis le péché, il leur a attribué à tous les deux le péché. Et ce n'est pas que Ève a poussé Adam vers à commettre le péché et que c'est à elle qu'on doit imputer la faute. Non, non, non, ils sont tous les deux responsables. Devant toutes les obligations d'Allah, l'homme et la femme sont responsables. Et donc, devant les lois, la femme n'est pas reléguée à une place inférieure, comme prétendent certains. Allah leur dit tous les deux, et regardez ce discours qui s'adresse à Adam et Ève en égalité. Descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ. Descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres, si vous recevez de moi une guidance, quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Et descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres, si vous recevez de moi une guidance, quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. فَلَا يَضِلُّ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Nous le rassemblerons, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira: Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira: De même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu seras, ainsi aujourd'hui tu es oublié. قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Donc après le péché, Adam s'est repenti et Allah l'a guidé. Il l'a guidé et il l'a guidé par lui sa descendance, puisque Adam était prophète, il a reçu la révélation d'Allah et il a guidé sa descendance. Et donc, cette guidance, quiconque la suit, il ne sera jamais malheureux. Et quiconque se détourne de cette guidance et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, comme il était aveugle dans ce bas monde, il sera amené au rassemblement le jour de la résurrection aveugle. Adam, notre ancêtre, a été créé par les mains d'Allah, comme nous l'avons dit dans les séances précédentes. Il était dans la plus harmonieuse des formes, la plus belle des statues. Et donc, des statures. Et donc, cette histoire du singe et de l'homme sapiens, Darwin, cette histoire-là est vaine, comme nous l'avons dit, la théorie de l'évolution. Et méditez avec moi sur les versets suivants. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils le firent à l'exception de Satan, c'était l'un des djinns. Impudemment, il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Allah dit par la suite, prendrez-vous Satan, lui et sa descendance, comme alliés au lieu de moi, alors qu'ils vous sont ennemis, funeste substitution pour les injustes. Surat 18 et le verset 50. Et juste après, quand Dieu a parlé de l'origine de l'homme et de l'origine de Satan, il a dit directement après dans le verset 51, مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Je ne les ai pas fait assister à la création des cieux et de la terre, ni à leur propre création, je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Ma ashhadtum khalqa as-samawati wal-ard ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Allah dit, je n'ai pas fait assister à la création des cieux et de la terre, ni à leur propre création, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Allah n'a pas pris Darwin ou tous les philosophes, les évolutionnistes comme aide, ni ne les a fait assister à la création pour qu'ils prétendent ce qu'ils prétendent. Allah ensuite a insufflé en lui de son esprit. Il a insufflé en Adam de son esprit, et en insufflant en lui de son esprit, il l'a prédisposé à l'adorer, à l'aimer, à le vénérer, à aimer le bien et à haïr le mal. Il était donc parfaitement, il était donc parfait intérieurement et extérieurement. Et ce n'est qu'après que l'homme a régressé, a choisi une vie sauvage. Quand on voit des populations sauvages, ça c'est le choix de l'homme. C'est l'homme qui a choisi cette voie de l'égarement. Allah lui a montré la bonne voie et il lui a donné le libre choix de prendre soit la voie d'Allah, la bonne voie, soit la mauvaise voie. Nous avons créé l'homme, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, accompli de conception. Nous avons créé certes l'homme. Nous avons certes créé l'homme dans la plus belle stature, si vous voulez. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Puis nous l'avons ramené au plus bas des plus bas. Exception faite de ceux qui croient et effectuent les œuvres salutaires. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat 95 et les versets 4 et 5. Quand l'homme travestit cette prime nature, il devient pire qu'un animal, il devient un adorateur de Satan. Allah lui a appris à Adam les noms de toutes les choses. Il est donc Adam est savant et n'est pas un ignorant. Quand Allah l'a créé, il a créé à partir de sa côte gauche son épouse. Après, il a eu une descendance. Donc la notion de famille est un principe de base existentiel. Il ne s'agit pas là de la paternité dans le sens sexuel, ni de la maternité dans le sens sexuel. Parce que ces deux notions biologiques, l'homme les partage avec les animaux domestiques et sauvages. Adam, c'est donc le mariage a une dimension, si vous voulez, une dimension spirituelle. Adam a épousé Ève, Hawa, notre mère, par un acte légal, ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait du lien familial un concept d'adoration. Il n'est pas permis de le violer, ni d'échanger quoi que ce soit. Il était habillé et non nu. Sa nudité ne s'est découverte qu'après. Elle s'est découverte quand il a commis le péché. D'où la fausseté du terme. Quand on dit naturisme, c'est-à-dire retour à la nature, c'est un terme qui est faux. Naturellement, l'homme s'habille. L'homme est prédisposé naturellement à s'habiller, non pas à se mettre nu et sortir dans la rue. Alors, donc, la manie de se couvrir, c'est le secret de la pérennité de la pudeur. Et la pudeur, c'est quelque chose qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous. Et la pudeur, c'est le secret de la pérennité, de la beauté. L'exhibition se rattache à l'obscénité, à autre chose mauvaise. Naturellement, l'homme, comme j'ai dit, est prédisposé à se couvrir. Ce qui réfute les idées de Freud et tous ceux qui vont dans sa voie, ceux qui cherchent à, entre guillemets, animaliser l'homme. Adam est enclin au repentir. Il est aussi prédisposé à se repentir. Il a commis ce péché et s'est repenti, et Allah, le tout miséricordieux, a accepté son repentir. Tout être humain commet des fautes. Tout être humain commet des fautes. Il est créé ainsi. Certes, il est doté d'une prime nature qui l'empêche de commettre des péchés, mais il a dans son âme un côté instigateur de mal. Un côté instigateur du mal, et Satan aussi lui chuchote et le pousse à faire le mal. Et le monde extérieur aussi, il y a les influences extérieures qui peuvent l'influencer et le pousser à commettre le mal. Ce qui est blâmable, ce n'est pas le fait de commettre un mal, mais ce qui est blâmable, c'est le fait de continuer dans le mal, dans le péché, et ne pas se repentir. La question donc du péché originel est close dans l'islam. Allah a dit « وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى » Clair, ainsi Adam désobéit à son Seigneur, s'égara. « ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى » Ensuite, par la suite, son Seigneur l'a élu, a agréé son repentir et l'a guidé. Directement, il a demandé pardon et Allah lui a pardonné. Et c'est pour cela qu'Allah s'appelle Ghafur Rahim. Il est pardonneur et miséricordieux, et sa miséricorde a précédé sa colère. Le péché en islam n'est pas un monstre qui poursuit les gens. Le péché originel n'est pas un sabre brandi contre les gens. Il n'a besoin ni d'expiation, ni de purification, ni d'offrande. Le verset est clair et net là-dessus. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Adam reçut alors des paroles de son Seigneur et Allah accepta son repentir car il accepte le repentir et il est le très miséricordieux. Allah accepte le repentir de quiconque demande pardon. Les fils d'Adam, les enfants d'Adam, pareil, comme leur père, ils ne sont pas exclus de la miséricorde d'Allah. Quand ils commettent des péchés, Allah connaît leur nature, il ne leur impose que ce qu'ils ont la capacité de faire, ils ne les jugent qu'en fonction de leur capacité. Ça, c'est une règle fondamentale en islam. Allah n'impose à une âme que ce dont elle est capable, comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, le verset 286. « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Les versets de la miséricorde, les versets au sujet du pardon, du repentir, l'indulgence envers les hommes, ils sont très nombreux dans le Coran, très très nombreux. Si vous voulez qu'on cite quelques exemples, par exemple le verset dans Sourate les Bestiaux, la Sourate 6, le verset 54, « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma » Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde. Bien sûr, Allah n'a de compte à rendre à personne. Et comme il dit dans une autre sourate, « La yus'alu amma yata'al wa hum yus'alun » Lui, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que eux, ils seront interrogés, puisqu'il est le Créateur, et à lui la sagesse infinie. « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma » Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde. « Annahu man amila minkum su'an bijahala, summa taba min ba'dihi wa aslah » فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde envers celui d'entre vous qui aura fait un mal par acte d'ignorance et qui se sera ensuite repenti et amélioré, il sera vraiment tout pardonnant et très miséricordieux. Allah lui pardonne. Allah s'est imposé cela. Il pardonne et il est miséricordieux envers quiconque commet un péché et s'est repenti par la suite. Dans la sourate 3, les versets de 133 au verset 136. Écoutez bien ces paroles-là. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ Et hâtez-vous envers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis dont l'ampleur est celle des cieux et de la terre et qui est préparé pour ceux qui se sont prémunis. وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ceux qui font des dépenses en aumône dans la félicité comme dans l'adversité, qui contiennent le ressentiment et qui se montrent indulgents envers les gens, car Allah aime ceux qui agissent parfaitement. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ Et qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou qu'ils ont été injustes à l'égard de leur propre âme, invoquent Allah, lui demandent pardon pour leurs péchés Et qui pardonnerait les péchés si ce n'est Allah et ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait alors même qu'ils savent. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. Pour cela, la récompense sera donc un paradis de leur Seigneur et des jardins وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين et des jardins au fond desquels coulent des fleuves et où ils resteront immortels, et combien excellente est la rétribution de ceux qui œuvrent. Pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah est large. Dans la sourate 4, le verset 147, Allah il dit « Ma yaf'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum » Ma yaf'alullah, Allah qu'a-t-il donc à faire de votre châtiment si vous lui témoignez de la gratitude et que vous croyez ?« Wa kanallahu shakiran alima » Et Allah vous saura gré de votre foi et il est très savant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, écoutez cette parole étonnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » par celui qui tient mon âme dans ses mains. « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا » si vous n'aviez pas commis des péchés, « لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ » par celui qui tient mon âme dans ses mains, si vous n'aviez pas commis de péchés, Allah vous aurait remplacé par un peuple de pécheurs qui auraient commis des péchés, qui auraient commis des fautes et demandé pardon à Allah le Très-Haut afin qu'il puisse leur pardonner. Ce hadith est authentique.